bagay, gen bagay, gen bagay. Wè mwen chèl chaje bagay, gen bagay. Kè kote pou bon bagay, gen bagay. Gen bagay, gen bagay, gen bagay. Wè mwen chèl chaje bagay, gen bagay. Bon bagay, gen bagay. Mwen zè chaje, chaje, chaje bagay nan men. Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 16h30 pour votre émission Groupe Tropical. Groupe Tropical du 100% soleil, émission avec de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Toutes les dernières nouveautés, bien sûr, mais aussi des coups de cœur souvenirs. 96.2, c'est la très très bonne fréquence. Sur mon compte, t'imaginer tous les comptes. Quand j'en vois certains sur mes côtes, je les laisse volontiers aux autres. Mes messages, je fais pas n'importe quoi. Je vais pouvoir me voir dans un miroir. J'ai ma fierté, j'ai mes codes. Mon éducation me porte. Demande autour de moi, je t'ai tout donné. Tu m'as tout volé. Au final plus rien ne me choque. J'aime faire la folle si t'as pu le voir. T'emballes pas sur ce que ça fait croire. Je sais que tu sais que je suis d'ailleurs, mais pas besoin de me lâcher, je suis validé. Je t'ai tout donné, tu m'as tout volé. Gade ki monye se bougla kagade yo. Gade ki monye se bougla yo jale yo. Entre vous et moi ça ka kole. Ya nou teste kon nou pou e sa ka ale doudou. Ou se di ke bon che fe ou pa mre. Mbaka jere got fom pa e che problem ba mre. Mwen la ba ou e ou la ba mre. E ou mette ekilibre life mre. Baby, an nou fayan bout chi men. malgré ça nous la toujours. On est tout ça qu'il faut, doudou. Les manies des défauts, doudou. Les manques à ouais, enfant, enfant. En nous faillant bout de chimène, doudou. Gabon tellement j'assime, doudou. En nous faillant son pile, doudou. Mauvais temps malgré ça nous la toujours. En nous faillant bout de chimène, doudou. Gabon tellement j'assime, doudou. En nous faillant son pile, doudou. Mauvais temps malgré ça nous la toujours. Si on sous la capa, moi tiens de ou un départ, moi. Serré ou casseré, moi, serré, moi. Session sous la capa, moi tiens de ou un départ, moi. Moi casseré ou casseré, moi, serré, moi. Nous faillons boucher, mais doudou. Gabon tellement j'assime, doudou. En nous faillons son filet, doudou. Mauvais temps malgré ça, nous l'a toujours. Gardez qui m'en y a, c'est bougla, caca. Gade ki manye se bougla, yo jale yo. Entre vous et moi ça ka koule. Ya nou teste kon nou pouwe sa ka ale. Doudou, ou se vi ke bon je fe ou pa mre. Mbaka jere dot fom pa e che problem ba mre. Mwen la ba ou, e ou la ba mre. Ou mette ekilibre life mwen. Sure, ma resensyon nou ka pren la route. La vie la coûte, en le power mwen mwen toujours dou pout. Moun pe jalou mwen mwen pa ni ya ya ya fout. Et c'est vous que j'aime, mais choisis de crier doudou. En nous faillant boucher, mais doudou. Gabon tellement j'assis, mais doudou. En nous faillant son pile, doudou. Mauvais temps malgré ça, nous l'a toujours. En nous faillant boucher, mais doudou. Gabon tellement j'assis, mais doudou. En nous faillant son pile, doudou. Mauvais temps malgré ça, nous l'a toujours. Pas ça, ça qu'arrive, moi. Yeah. Ou rive, fek se mwen yal ekili. Atensyon, fon toujou il galif. Il galif, baby. An nou fayan bouchi men doudou. Gabon delman chassi men doudou. An nou fayan son ilè doudou. Mou fetan malge sa nou la toujou. An nou fayan bouchi men. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur, en couleur. Il est de retour avec un nouveau single, Monsieur Victor Martinel. On l'aime beaucoup, on aime beaucoup son parcours. En tout cas, c'est une nouveauté, exclusivité sur Radio Arc-en-ciel. Regarde-moi bien. Ne détourne pas le regard. Regarde-moi bien quand je suis à Paris. Regarde-moi bien quand je suis à Paris en train de me battre. Mr. Love, I'm well. Give me the fait moi le son assis l'on nous. Tu es le soleil qui illumine mes vies. Tu es cette femme qui me donne envie. En quête d'un plaisir, en péché d'homme, en quête d'un sourire, en péché pâte, en quête d'un plaisir, en quête d'un dormi, pitié dormi. Premier jour, nous faire l'amour. C'était confit en noir et blanc. T'es qu'à dire, c'est le mieux fort. T'es qu'à dire, à laisser la peau, moi, tout seul. Sans des petits bisous, sans des petits câlins. Mr. Love, en moi. Est-ce que c'est moi qui donne l'effort? Dis-moi, s'il vous plaît. sou la terre qu'on est en passé. C'est moi qui toujours accepté. Tout Dieu défend à tout mon calité. Les ménages ou faire briller. C'est moi qui toujours là pour consoler. Qui les ont réalisé. Moi pour plus passer 100 000. Bagaille ça fait mal. Raison. ça ou tout le temps. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Never done this before. It's really not what you're looking for. To mess around with me, we just met. Yeah, yeah, yeah. Independent woman with pride, hiding what you're feeling inside. I will never judge you if you let it all out. My baby, show me. Go around and tell everybody. This is only between you. Hold back. You know how to worry. I won't tell you not. If we do it on the first night. You know how to worry. I won't tell you not. If we do it on the first night. I know you got a clean reputation. So you be. Yeah. les zones ont caillé les bonnes mamans. A caillé les zones, on connaît tout le classique à zone aux Antilles, papa. Yeah, papa, papa, papa. Goûtez. Moi voilà, sans sensation, moi. palo fait le bon tourné. Ça qui de là, moi j'aime bien maintenant qui pour en tomber. Oh, et il commence à que no puedo controlar. Oh, oh. Sensacional, sensacional. Un emocional que no puedo controlar. Oh, oh. Biri biri bom bom, biri biri bom bom, biri biri bom bom, biri biri bom bom, biri biri bom bom, biri biri bom bom. Sabu tem a dor,

dans votre émission Groupe Tropical, la compa tropicale avec un anniversaire, celui de Tonight, qui va être en live pour tous les fanatiques. En tout cas, ça fait du bien, ces 12 minutes comme ça de compa direct. Allez, restez bien calés sur le 96.2. La musique continue, hein, ne vous inquiétez pas. Et c'est comme ça. Oh, maman Jezabel, de quoi? llevar por la gente que ahora suele decir que lo siente. Nos dejamos llevar por el miedo de vivir juntos aún siendo abuelos. Nos dejamos llevar por la prisa y olvidamos aquella sonrisa.

tous tes appels, ce n'est pas la peine. Je n'ai même plus la moindre haine. Trop tard pour tous les regrets, tu vois bien. Le temps est venu pour toi de partir enfin. J'adore tous ces mots doux, ces bisous dans le cou, les intentions quotidiennes que j'avais jamais. Thank you. c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Me roule mes dents maillot des bombes, je flatte mais. Je vais préférer au sommeil, pour moi qu'à passer, je n'ai ma belle ou ma aimée. sou semble fò monte nan siel a fò goûte miel mwen sou ta vle pousse sel mwen fè lobe pa ki te pale pale tout une campé sou ta gamet Jésus a fait ma telle manger ou qu'on pas regret gagne m'passe Chato rete eske son de nouye Bago bago pou on nan tèt M kap santi ke pou pasyon mwen A fòm santi kon sopi Si ou kon chante te mwen Lèm gade ou se tout sa m tap chache Se avò pou mye Ble gade ou ble bon tout sa ta mwande M chak lò bache Nè de yem tata pe fòm le tim Sauvage J'en vu gérer un lot Le rôle qu'a fait le sourire Pourtant même lui même qu'a blessé un lot Qui faut qu'a mando bal prêve Sous bal l'homme flemme La mando ça le fait avec Qui est pas baisse plus bas diamant Mais c'est le honnête qui s'en fait avec Qui va me dire qu'a fait tout yé Qui va m'a proposé à me faire fouiller Qui s'en pas avec un garçon pour faire le couillé Qui est l'autre qu'a cherché l'autre femme pour faire le mouillé Non, non, basta qui te belle si l'occasion s'allait. Aïe, guédon. Stanisky.

96.2 La FM en couleur. Bring it back and rewind it. But all that glitters isn't gold. I was blind. Should've never give you my heart on consignment. And I can't believe the lies that I went for. Thought you was my bitch, you decided to be with him. You took my feelings and just threw them out the window. Feel like it's too hard to fall in love again, no. On some nights like this, shawty, I can't help but think of us. I've been reminiscing, sipping, missing you. Can you tell me what's with all this distant love? If I call, would you pick it up? On some nights like this, I just wanna text you, girl, for what? You gon' say you want me, then go switch it up. Just gon' play with my emotions just because. All the times I played the fool for you, thinking we could put it back together. Thought we had forever, you never see my point of view. Our connection is so severed, you don't show no effort. I can't believe the lies that I went for. Thought you was mad, but you decided to be with him, no. Took my feelings and just threw them out the window. Feel like it's too hard to fall in love again, no. On some nights like this, shawty, I can't help but think of us. I've been reminiscing, sipping, missing you. Can you tell me what's with all this distant love? If I call, would you pick it up? Way too good to you, you take me for granted. You was my day one since back at Big B House on Adams. That we met, I flagged you down, I told you in my line. Just to promise me you never switch on me like Gemini. You think I'm a fool, ain't nobody stole. I see all the signs, I see all the glows. Still sometimes I reminisce about that shit when I'm bitching. Can't believe it's been a whole year, yeah, but I wouldn't trade you for the world. Haïtien, Haïtien, pas doué, les doigts croisés. 60 ans, pas passer tant pour ne pas t'exister. Ou de chapeau pour ne mou qui paye, tel rita. Qui aime nous chaque jour oublié, la peine avec des bois. Nous baillons toute jeunesse, tout au service du pays. Et puis, pour la santé, oublié le jour, nous mourir. Et nous pouvons vivre les nous sommes là. Nous bien mieux là. Ah, si ça je fais, il est pour nous réunir. Oh, il est ici, tu pas on a les côtés nous. Oui, allez, toi, comme si c'était pour nous pas qu'à organiser. Attends, la personne s'en pour marcher, mais en tout. Si la guerre maladie, c'est nous qui aimons. Et il est suspendu. C'est la musique qui veut mélanger toute classe. Chaque année, c'est nous faire tout, y'a pas comblé. Jeune masse, mais comme des contacts, quand t'as qu'un fils, la voile, t'as le même chagrin. La seule différence est une question de bien pour moi. Si tu as ici, tu pas tout, on a des côtés nous. Couru, pas les trois, on donne si c'était pour nous pas qu'à organiser. Me chuchita, dile.

Sur la scène tout en couleur, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve même heure, même endroit la semaine prochaine, jeudi prochain, 96.2 Groupe Tropical. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Restez bien fidèles à Radio Arc-en-Ciel et à la semaine prochaine. Bye bye. La FM en couleur.